Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the message of Wednesday, most of them, we always bring, you know, the Lord adds a lot to it. Mm. Okay. Mm-hmm. Fügt der Herr immer einiges hinzu zu der Botschaft von Ah, oui, l'Éternel, lui, il rajoute toujours le message du mercredi. It's mostly the message on Sunday, but sometimes it's even more than that. Mm-hmm. Es ist die Botschaft von Sonntag, aber oft ist es mehr als das. Quelquefois le message de mercredi c'est similaire à celui de dimanche, mais quelquefois c'est de plus en fait. Praise the Lord. Hallelujah. On Sunday was the beginning of our Thanksgiving Day. Am Sonntag war der Anfang. Or maybe continuation. Unseres Danksagungstages. Dimanche c'était le continuement ou bien le commencement de l'action des grâces de ce mois. Our Thanksgiving is to remember that Christ should be everything for us. Unser Danksagen ist eine Erinnerung daran, dass Christus Jesus alles sein sollte für uns. Notre action de grâce c'est se rappeler que Jésus-Christ est tout pour nous. Our Thanksgiving is a reminder that we should always say thank you to Him. Und dieser Danksagungstag ist dafür da, dass wir uns immer wieder daran erinnern, uns immer wieder bei ihm zu bedanken. Nos offrandes ou bien notre action de grâce est toujours la manière laquelle on se rappelle que lui il est toujours là pour nous. On doit toujours le remercier. The greatest prayer is say thank you to Christ Jesus. Das größte Gebet, was wir beten können, ist uns beim Herrn zu bedanken. Parce que la plus grande prière c'est quand on remercie l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Amen. Please let Christ Jesus be number one in your life. Lass bitte zu, dass Christus Jesus die Nummer eins in deinem Leben. Permet à Jésus-Christ d'être le numéro un dans ta vie. Number one in all things. Nummer eins in allen Dingen. Le numéro un dans toutes tes choses, toutes tes affaires. Not just with your money. Nicht nur mit deinem Geld. Pas seulement avec ton argent. Your heart. Auch mit deinem Herzen. Aussi avec ton cœur. In everything. In allem. Dans tout. Give yourself to Him. Gebe dich ihm hin. Donc rends-toi totalement au Christ. Amen. Amen. Give yourself to Him. Übergebe dich Jesus Christus. Donc tu dois te rendre totalement à lui. And you are to know that you are to know if you are even giving yourself to know. Und du musst to wissen, him. Ob du dich wirklich, ob du dich ihm wirklich hingibst. Et tu dois le savoir si tu te rends à lui. And how to know that is you choose him in everything. In anything, in all things. You see your choice. Prüfst, ob du dich immer wieder für ihn entscheidest, ob du ihn immer wieder wählst. Et comment tu le sais si tu te le rends à lui quand tu es en train d'examiner tes décisions chaque fois. By choosing him in everything. That's how you know that he is really number one for you. Bei allem wählst, so erkennst du, dass wirklich die Nummer eins ist für dich. Donc tu dois te demander si tu es toujours en train de lui suivre ou bien de le choisir. Et c'est comme ça que tu sais si, oui, s'il est le numéro un dans ta vie. Your money, you are giving him. Das Geld, dein Geld, was du ihm gibst. Ton argent que tu lui donnes. But it should be more than your money. Aber es sollte mehr als dein Geld sein. Mais ça doit être plus que ton argent. He really want to know you, to have you, to that he is everything for you, more than any money. Er möchte wirklich, dass er alles ist für dich, mehr als jedes Geld wert. Donc il aimerait vraiment être tout pour toi, même plus que ton argent, donc vraiment ta vie. Do you value his message? Schätzt du seine Botschaft? Est-ce que tu valorises son message? His message, everything for you. Ist seine Botschaft alles für dich? Est-ce que son message est tout pour toi? If Christ Jesus cannot bring you to himself, there's nothing that can bring you to him. Wenn Christus Jesus dich nicht zu sich selbst bringen kann, dann kann dich nicht zu ihm bringen. Donc si le Christ ne peut pas t'emmener vers l'Éternel, vers lui-même, ça signifie que rien d'autre peut t'emmener vers lui-même. Oui. Amen. Amen. The message here, if it cannot bring you to Christ Jesus, then there is nothing that can bring you to him. Die Botschaft hier, wenn sie dich nicht zu Christus Jesus bringen kann, dann kann ich nicht zu Christus Jesus bringen. Donc le message ici, si c'est pas capable de ton de te ramener ou bien de ta oui de t'emmener vers lui, vers Jésus-Christ, ça signifie que rien d'autre peut t'emmener vers lui. Amen. You know, on Sunday we were also here. Let's go to Luke 16. Luca 16. On va lire Luc 16. Concerning the rich man and Lazarus. Den reichen Mann und Lazarus. Quand on parlait de l'homme riche et de Lazare. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Because of time, we go to verse 24. Wegen der Zeit gehen wir zu Vers 24. Luc 16, verset 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. There is no more mercy after death. Es gibt keine Barmherzigkeit mehr nach dem Tod. Donc il disait, aie pitié de moi, Père Abraham. Donc après la mort, il n'y a pas de pitié. You can only have mercy here or get mercy here. Barmherzigkeit erlangst du nur hier, hier auf Erden. C'est ici sur terre que que l'Éternel te donne qu'il a pitié de toi. The Bible said after death is judgment. Die Bibel sagt, nach dem Tod kommt das Gericht. La Bible nous dit que après la mort c'est le jugement. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Praise the Lord. Hallelujah. Again, there is no mercy after death. Es gibt keine Barmherzigkeit, kein Erbarmen mehr nach dem Tod. Donc, il n'y a plus de pitié après la mort. La miséricorde après la mort. Merci. You know, when people die, people call priests to come and lead them to God. Bevor Leute sterben, holen sie Priester, die Absolution zu bekommen, nochmal ein Gebet zu bekommen, damit sie dann zu Jesus gehören oder zu Gott gehören, um dann halt errettet zu werden. Mm-hmm. Donc avant que quelques personnes meurent, ils appellent toujours un pasteur ou bien oui pour ou bien un prêtre pour prier pour eux pour que leur âme soit sauvée. The God that they never know. Ein Gott, den sie nie kannten. Ein Dieu qu'ils ont jamais connu. Amen. You know, when they die, they always, you know, the family call priests to come and bless them and lead them to Christ. There is no mercy after death. Sie liegen sozusagen im Sterben und die Familie ruft einen Priester, der nochmal für diese Person betet. Aber nach dem Tod gibt es keine Erbarmen mehr, gibt es keine Rettung mehr. Donc quand ils sont en train de mourir, c'est leur famille qui appelle un prêtre pour prier pour eux, mais ils doivent savoir que après la mort, il n'y a pas de miséricorde. And I'm very sure this rich man was, you know, the priest was there and that prayed for him after death, after he died. But that is no longer salvation. Nothing can save you after death. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch bei diesem reichen Mann nach seinem Tod ein Priester hergerufen worden ist, damit er nochmal errettet wird, aber es gibt keine Erbarmen mehr, keine Rettung mehr nach dem Tod. Es ist vorbei. Et je suis aussi, je pense que cet homme riche, après sa mort, il y a eu aussi un prêtre qui a prié pour lui pour qu'il puisse être sauvé. Mais après la mort, c'est le jugement, donc tu n'as plus la possibilité d'avoir ton salut. No matter how many priests, bishops, pastors, they gather together to pray for you. Egal wie viele Priester und Bischöfe man zusammenruft, um für dich zu beten, es ist vorbei. Peu importe la quantité des prêtres qui seront là après ta mort pour prier pour toi, tu ne seras pas né de nouveau, tu n'auras pas ton salut. Amen. Amen. There is no repentance of there's no repentance in grief. Es gibt keine Buße mehr im Grab. Dans le tombeau, il n'y a pas de la repentance. Amen. Amen. There is no repentance in grief. Es gibt keine Buße mehr im Grab. Il n'y a pas de repentance dans le tombeau. Amen. Amen. In verse 29. Let's go to verse 29. Verset 29. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham said unto him, they have Moses. Amen. And the prophets, let them hear them. They have the sons of God. Sie haben die Söhne Gottes heutzutage. Et Abraham a répondu, à l'homme riche, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc aujourd'hui, ils ont beaucoup, ils ont des enfants de Dieu, des fils de Dieu aujourd'hui. You know, then it was the prophets. Damals waren es die Propheten. À l'époque, ils avaient des prophètes. But now it's the sons of God. Aber heute sind es die Söhne Gottes. Mais aujourd'hui, il y a les fils de Dieu. Amen. Amen. There is no begging after grave. Es gibt kein Flehen mehr nach dem Grab. Donc après la mort, tu ne peux pas supplier. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The sons are here today. Die Söhne sind heute da. Les fils sont là aujourd'hui. To speak to them. Um zu ihnen zu sprechen. Pour parler, pour les parler. Your sons are the only one that can even save them today. Die Söhne sind not die einzigen, even the, and not even the disciples. Und nicht mal die Jünger. Les fils sont les seuls qui sont là, qui sont capables à les aider à se repentir ou bien à les sauver et pas les disciples. Amen. Amen. John 8:36 said, if the sons free you, you are free indeed. Johannes 8 lesen wir, dass wenn der Sohn dich frei macht, bist du tatsächlich frei. Et Jean 8 nous fait voir que si le fils, les fils t'ont libéré, là tu es vraiment libre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Verse 36 of John 8. Jean 8, 36. He said, if the Son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. If you listen to the sons of Christ Jesus, you shall be free. Not just free, free indeed. Söhnen von Christus Jesus zuhört, dann werdet ihr wahrhaftig frei sein. Si tu écoutes, tu écoutes les messages des fils de Dieu, de Jésus-Christ, là, tu seras réellement libre. If you listen to Christ's sons that are here today, you will surely be free. Wenn du den Söhnen von Christus Jesus zuhörst, die heute physisch hier sind, dann wirst du wahrhaftig frei sein. Mm. Si tu écoutes, tu écoutes les messages des enfants de Dieu, des fils de Dieu, de Jésus-Christ qui sont ici, tu seras réellement libre. In Luke 10, verse 16, please quickly go there. Luke 10. Luke 10. Luke 10. Verse 16. Vers 16. Vers 16. He said, he that heareth you, heareth me. If you hear the Son, you hear the Father. Il dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Donc, ça signifie si que vous écoutez le Fils, vous écoutez aussi le Père. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. He that heareth you, heareth me. And he that despise you, despise me. And he that despise me, despise him that sent me. Praise the Lord. Hallelujah. Again, he said, he that heareth the Son, heareth the Father. Er sagt, wer den Sohn hört, hört den Vater. Donc, ça signifie encore une fois, si tu écoutes au Fils, tu écoutes aussi le Père. You are the sons here right now. Wir sind die Söhne hier jetzt. Donc, nous sommes les fils aujourd'hui. Si on... Whoever hears you, hear Christ Jesus. Wer auf euch hört, hört auf Christus Jesus. Peu importe qui, la personne qui t'entend, il entend aussi Jésus-Christ. And who say no to you, say no to Christ Jesus. Wer nein zu euch sagt, sagt nein zu Christus Jesus. Si la personne te dit non, il dit aussi non au Christ. Mm-hmm. Please back to Luke 16, please. Lucas 16. Luke 16. From verse 29 to the end. Lucas 16, 29 bis zum Ende. Luke 16, 29 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. And Abraham said unto him, they have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto him, up to them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophet, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. It means if they refuse, if they say no to us, there's nothing that can save them. Donc ça signifie que si ils refusent de nous écouter, ils nous disent non, donc il n'y a rien d'autre qui peut les sauver. Christ, our faith is our victory. Christus, unser Glaube, ist unser Erfolg. Jésus Christ comme notre victoire. Il est notre victoire. Our faith. Oh. Oh. Our faith is our victory. Unser Glaube ist unser Erfolg. Jésus-Christ est comme notre foi, il est c'est notre victoire. Donc notre foi, c'est notre victoire. Our faith is different. Unser Glaube ist anders. Notre foi, c'est différent. What kind of faith? Gottes Glauben. Donc la foi de Jésus-Christ, de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. God kind of faith. Gottes Glauben. La foi du Christ. Not something here. What I just said. I said God kind of faith and not just faith. Gottes Glauben, nicht einfach nur Glauben. Je ne dis pas seulement la foi, mais je dis la foi de Dieu. There are different faiths everywhere. Es gibt verschiedene Glaubensrichtungen. Il y a des fois différents aujourd'hui. We are talking about God kind of faith. Aber wir sprechen über den Glauben Gottes. Mais nous on parle de la foi de Dieu. The faith that is based on Christ Jesus alone. Der Glaube, der allein auf Christus Jesus basiert. La foi qui est seulement basée sur Jésus-Christ. God kind of faith and not what man and religion call faith. Gottes Glauben, nicht das, was der Mensch oder Religion Glauben nennt. La foi de Dieu, pas la foi que l'être humain ou bien la religion appelle la foi. God kind of faith never move God. Gottes Glauben bewegt Gott nicht. La foi de Dieu, ça n'influence pas l'Éternel. He never move God to do anything for you. Gottes Glauben bewegt Gott nicht dazu, Dinge für dich zu tun. La foi de Dieu, ça n'influence pas l'Éternel à faire quelque chose pour toi. What kind of faith move us, move you to collect what Christ has for you? Sondern es bewegt uns dazu, das zu empfangen, was Christus für uns schon getan hat. Donc la foi de l'Éternel est là pour t'influencer à prendre ou bien à arracher ce que l'Éternel a déjà pour toi. What kind of faith brings out what is on the inside of you? Gottes Glauben bringt das raus, was in dir drin ist. Donc la foi de l'Éternel, ça fait sortir ce qui est en toi. Even before he finished the work. Sogar bevor er das Werk vollbracht hat. Même avant qu'il puisse, accomplir son œuvre. Once when he was here physically to pay the price. Hier war, um den Preis zu bezahlen. Quand il était ici physiquement pour payer ce prix. In Mark 5, please. Let's go to Mark 5. Mark 5, on va le lire. Verse 25. Mark 5, verse 25. And a certain woman, she had an issue of blood, 12 years. For 12 good years, this woman was sick. 12 Jahre ging es dieser Frau schlecht, sie war donc, krank. Pendant 12 ans, cette femme avait des problèmes, elle était malade. Amen. Verse 26. And has suffered many things of many physicians, and has spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. Verse 27. When she had heard of Jesus, she heard of Jesus and not of religion. Sie hat von Jesus gehört und nicht von Religion. Donc elle a écouté de Jésus-Christ, pas elle n'a pas écouté de la religion. She heard of Jesus and not of the word of God. Sie hat von Jesus gehört und nicht von dem Wort Gottes. Donc elle a écouté de parler de Jésus-Christ et pas à parler de la parole de Dieu. She heard of God himself. Sie hat von Gott selbst gehört. Donc elle a écouté de Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Praise the Lord. Hallelujah. This woman heard of the truth. Diese Frau hat von der Wahrheit gehört. Donc cette femme, elle a écouté de la vérité. And no lies. Nicht lügen. Elle a entendu de la vérité et pas de lies. A lot have been hearing of lies. Viele haben von Lügen. Lies everywhere. Über Lügen. Beaucoup de personnes ont entendu des mensonges partout. Hearing the Christians is hearing lies. Die Christen zu hören heißt Lügen zu hören. Donc quand tu écoutes les chrétiens, tu écoutes les mensonges. Hearing all these religions, you know there are very many. How many can we count? Wie viele können wir aufzählen von ihnen? You are hearing lies. Das sind alles Lügen. Du hörst Lügen. Donc quand tu écoutes tu entends la religion, tu es en train d'entendre des mensonges. This woman has been hearing Judaism. Diese Frau hat das Judentum gehört. Donc cette femme, elle a entendu le judaïsme. But she was never healed. Und sie wurde niemals healed. Somebody got in. Mais elle a jamais. They were everywhere then. Überall waren sie dort. Donc les juifs étaient partout. Praise the Lord. Whatever is of religion are all lies. Was immer von Religion ist, ist eine Lüge. Donc tout ce qui est religion, c'est un mensonge. This woman heard of Christ Jesus the truth. Diese Frau hat von Christus Jesus der Wahrheit gehört. Cette dame elle a écouté, entendu de parler de Jésus-Christ. And not what man and religion called the word of God. Und nicht das, was der Mensch in Religion als Wort Gottes nennt. Et elle n'a pas entendu ce que l'être humain appelle à, donc c'est la religion dit donc la parole de Dieu. Praise the Lord. Amen. Before she heard of Christ himself. He has been everywhere hearing the word of God. You know, from the Pharisees. Bevor sie von Christus Jesus gehört hat, hat sie überall das Wort Gottes gehört von den Pharisäern. Avant qu'elle puisse entendre ou bien parler de Jésus-Christ, elle entendait les gens écouter par les gens parler de oui, des pharisiens parler de oui, de la religion. Praise the Lord. Alleluia. You know, this woman is not even different from Mary Magdalene. Und diese Frau ist auch nicht anders als Maria Magdalena. Cette femme, elle n'est pas différente que Marie Magdalene. Remember, Mary Magdalene was there then also. But she, this woman, do not demons that we are, that occupied. Let's go there in Mark 16. Markus 16 sehen wir auch, dass auch Maria Magdalena auch we are coming back here, von Dämonen gequält und besessen war und mitten unter den Pharisäern gewandelt ist, mitten unter der Religion im Judentum gewandelt ist und auch keine Veränderung stattgefunden hat in ihr. Donc Marc 16, on va voir aussi que Marie Magdalene a été possédée avec beaucoup de démons. Elle a écouté ou bien entendu parler de la religion, mais ça l'a jamais aidée. Elle était toujours possédée. The difference is our faith. Der Unterschied ist unser Glaube. Mais la différence est notre foi. Christ is our faith. Christus ist unser Glaube. Christ, le Christ, c'est notre foi. The difference is Christ Jesus. Der Unterschied ist Christus Jesus. La différence est Jésus Christ. And that's why they don't want to hear about him today. Deswegen wollen sie heute nicht von ihm hören. Et c'est pour cela ils veulent pas écouter ou bien écouter entendre parler de lui. They love to hear about God, but not about Christ Jesus. Sie lieben von Gott zu hören, aber nicht von Christus Jesus. Ils aiment entendre parler de Dieu, mais pas entendre parler de Jésus Christ. Just mention God, religious people, they are so happy. But mention the name Christ Jesus. Rede von Gott und religiöse Leute sind begeistert und wollen dich kennenlernen. Wenn du über Jesus redest, das provoziert sie. Das bringt Anstoß. Donc si tu parles de la religion, les gens sont vraiment pour toi. Mais dès que tu parles de Jésus-Christ lui-même, de la vérité, là ils sont provoqués. In Mark 16, verse 9. Markus 16, Vers 9. Mark 16, verse 9. He said, now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. He cast out seven devils from this woman. Sieben Dämonen hat er aus dieser Frau. Donc on voit ici que il avait chassé sept démons du corps de Marie Magdalene. No religion can cast out devils because they themselves they are devils. Mm-hmm. Keine Religion kann Dämonen vertreiben, austreiben, weil es sind selber Dämonen. Donc la religion n'est pas capable à chasser les démons parce que eux-mêmes ils sont des démons. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. And this woman was there at that time, but they could not cast the devil out of him, out of her, sorry. Unter ihm gelebt, aber dennoch konnte man sie nicht befreien von diesen Dämonen. Donc cette dame, elle a vécu entre eux, là, entre les Juifs, mais ils n'étaient pas capables à chasser les démons. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know, the Pharisees, they were full of the word of God. Die Pharisäer waren voll von dem what they call the word of God. Was sie das Wort Gottes nennen. Les Pharisäer, ils étaient pleins de ce que eux, ils appellent la parole de Dieu. Just like the Christians today. Genauso wie die Christen heute. Tout comme les chrétiens aujourd'hui. For them, it's all about the word of God. Il est immer um das Wort Gottes. Pour eux, il s'agit toujours de la parole de Dieu. We must separate the truth from the word of God. Aber wir müssen die Wahrheit von dem Wort Gottes trennen. Mais on doit séparer la vérité de la parole de Dieu. Jesus never called them one. Jesus hat es nicht eins genannt. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il y a oui, n'a jamais cité ça. Praise the Lord. Hallelujah. Christians are full of their so-called word of God. Christen sind voll von ihrem sogenannten Wort Gottes. Les chrétiens sont remplis de ce que eux ils appellent la parole de Dieu. That they are completely empty of the truth. Also sind vollkommen leer von der Wahrheit. Are you getting it? Ils sont vraiment vides concernant la vérité. They are not different from Nicodemus. Ils sont nicht anders als Nicodemus. Donc ils sont pas différents de Nicodème. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In John 3, we were also there. Johannes 3 waren wir auch. Jean 3, on était là. Let's go to John 3, please. Johannes 3. On va lire Jean 3. You know, this man was not empty. Dieser Mann war nicht leer. Cet homme n'était pas vide. He was occupied by the word, what they call the word of God. Er war umgeben but still, no truth. Dem, was diese Welt das Wort Gottes nennt, aber dennoch war er leer von Wahrheit. Donc lui, cet homme, il était vraiment plein de la parole de Dieu, dans ce que, mais il n'était pas plein de la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Jean 3, please. Johannes 3. Jean 3. You know, this man was not a baby in religion. Dieser Mann war kein Baby. Was mature. In Religion. Er war reif in Religion. Er war ein Meister der Religion. Cet homme, il était vraiment un maître dans la religion. Il était vraiment mature. Amen. But upon all. Aber dennoch. Mais malgré tout ça. Was so far from the truth. War so weit weg von der Wahrheit. Il était très loin de la vérité. Could not understand just a little baby's stuff. Er konnte die Grundlagen nicht mal verstehen. Il n'était pas capable à comprendre les choses basiques. Even Jesus himself was surprised. Jesus war überrascht. Même Jésus-Christ lui-même, il était vraiment surpris. Verse 10, please, because Verse of time. 10. Don't have much time today. Amen. Amen. Especially this time. Amen. Today. Amen. He said, Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel? And knowest not these things? Your position. In position. Your position in Israel. In Israel. Donc même Jésus-Christ lui a demandé, mais malgré toute ta position dans Israël, tu connais pas les choses basiques. I'd be surprised if Paul know what is who Christ even is. Genauso I'd be surprised. Wenn der Papst wüsste, wer Jesus Christus wirklich ist. Et c'est pour cela que je serais vraiment surpris si même le pape savait qui est Jésus-Christ. I'm not saying he will not know religion. Il will not religion, but not Christ. Il veut religion kennen, aber Christus nicht. Je ne dis pas qu'il ne va pas connaître la religion. Il va connaître la religion, mais il va pas connaître le Christ. This man was full, but full of what they call the word of God. Dieser Mensch war voll, aber voll but von empty dem, of Christ Jesus. Was diese Welt das Wort Gottes nennt, aber leer von Christus Jesus. Cet homme était vraiment rempli, mais était rempli de ce que eux ils appellent la parole de Dieu, mais il n'était pas rempli de la vérité, donc de Jésus Christ. The verse 11 says, Verily, verily, I say unto thee. We speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Oh, thank you, Daddy. Praise the Lord. Be grateful that you know heavenly things today. Donc, sois reconnaissant. Oui, réjouis-toi que tu es capable de connaître les choses d'en haut. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even Paul also. Paulus. And Paul. He was once full of the word of God. Er war einst voll von dem Wort Gottes. Il était rempli de la parole de l'Éternel, de Dieu. But empty of Christ. Aber leer von Christus, der Wahrheit. Il était vide du Christ, de la vérité. Remember when he was Saul. Erinnert euch daran, als er Saulus war. Rappelle-toi quand il était Saul. Amen. And then later. Und später. Praise the Lord. Amen. No one could beat him. Konnte ihn niemand mehr schlagen. Übertreffen. Personne qui pouvait le battre. He repented. Er hat Buße getan. Mais il s'est repentu. Amen. Again, Mark 5. God kind of faith. Markus 5, Gottes Glauben. Mark 5, la foi de l'Éternel. The woman with issue of blood. Let's go there again, please. La dame avec le problème du sang qui saignait. There are a lot of things here in Mark 5. This, you know, everywhere in the Bible, there are always a lot of things. They are all connected. Viele Dinge, die verbunden sind in Gottes Wort. Donc ici on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment connectés avec la parole de l'Éternel, de Dieu. Amen. Amen. Our faith is, you know, it is with. In Dutch, they will say give out. You understand me? Mm-hmm. We said the kingdom of heaven suffer violence, and the violence take it by force. Mm-hmm. Our faith is with labor, hard labor. Unser Glaube kommt mit Gewalt, kommt mit Kraft. With force. Donc notre foi, ça vient avec la violence. Donc on doit agir en violence pour l'avoir, pour se forcer à croire. That faith, that force, that labor mean you don't see anyone. Gewalt, you don't allow yourself to see anyone. Dieser Kampf bedeutet, dass du deinen Fokus radikal auf dem Herrn legst und niemand und nichts anderes siehst. Et cette œuvre, vraiment ce combat qu'on est en train de combattre, pour ça signifie que tu ne vois rien d'autre qui est en dehors du Christ. Tu es en train de combattre à croire en lui fortement. Tu combats même avec violence. You are against any distraction. Tu es gegen jede ablenkung. Tu es vraiment contre chaque sorte de distraction. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Our force, you know, that force is, you know, what the five senses cannot say. You know, the five senses is over. Diese Gewalt ist, dass die fünf Sinne kein Sagen mehr haben. Donc cette violence, ça signifie que les cinq sens n'ont plus rien à dire. Paul said, for me to live is Christ, to die is gain. Mm-hmm. That it means that five senses is no longer there. Mm-hmm. Because five senses we want to live. Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. Das heißt, and not to die. Sinne sind ausgeschaltet, weil für die fünf Sinne ist Leben alles. Mm-hmm. Donc Paul même lui-même, il a dit que pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort, c'est même une victoire. Donc, ça signifie que là, il a fait violence. Il a vraiment cru qu'il ne voit même plus les cinq sens parce que les cinq sens va te dire que, la victoire, c'est de vivre ta vie. Mais lui, il ne le voit même pas comme victoire. You know, Matthieu 11, verse 12, is also here in this Mark 5. Matthieu 11, verset 12. Put something here. Let's go to Matthew 11, verse 5. Matthew's first one. To the mind you. 12, verse 5. And from the days of John the Baptist. Matthew 11, verse 12. That's 12. Until now, the kingdom Matthew of heaven suffered violence. And the violence take it by force. That was what this woman did here. After the Tagen Johannes des Täufers und bis jetzt das Reich der Himmel Gewalt und die welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Und das hat diese Frau mit den Blutungen getan. Sie hat es mit Gewalt an sich gerissen. Et verset 11, Marc 11, Matthieu 11, verset 12 nous dit que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est importé de force et les violences s'en emparent. Donc ça signifie c'est ça que cette dame a fait. Elle a cru à l'Éternel, à Jésus-Christ avec violence et c'est comme ça qu'elle a eu sa victoire. Amen. You know, once it comes to our faith, there's no looking back. Wenn es um unseren Glauben geht, gibt es kein Zurück mehr. Quand il s'agit de notre foi, on ne doit plus regarder en arrière. Amen. Amen. You know, Paul said one thing I do. It's never to look back. Amen. Paul sagt, eins tue ich. If somebody gets it. Et Paul, il a dit que une chose je le fais, je ne regarde même plus derrière moi. Amen. It's never to look back. Donc, il ne faut jamais regarder derrière. Are you getting it? Mm-hmm. Looking back will take you back. Denn zurückzuschauen wird dich zurückziehen. Parce que quand tu regardes en arrière, ça va te tirer en arrière. Looking back will take you away from Christ Jesus. Zurückzuschauen wird dich von Christus Jesus wegnehmen. Donc, quand tu regardes en arrière, ça va t'arracher du Christ. Are you getting it? Back to Mark 5, please. On va lire Mark 5. You know what the problem with this woman was? She what she was facing was very big. The problem she had. Die Situation, in der sie sich befand, sehr groß war. Donc le problème avec cette dame, c'est la situation où elle était, c'était vraiment très grave. You know, there are some sicknesses and diseases you can move with people. Es gibt einige Krankheiten, da kannst du mit Leuten immer noch them, Gemeinschaft haben, kannst immer noch in der Nähe von anderen Menschen sein. Il y a des maladies, quand tu es avec cette maladie, tu peux toujours être en compagnie avec des gens. There are some, you dare not touch anyone. Aber es gibt andere Krankheiten, if you do, you will be killed. You will be dead. In die Nähe von Leuten kommen, weil sonst, wenn du das tust, bist du tot. Mm. Mais il y a d'autres maladies, tu ne dois pas être en contact avec d'autres personnes, parce que si tu le fais, tu es capable à te faire tuer. This woman refused to see the system of this world. Is somebody getting it? Cette dame, elle a refusé de voir le système de ce monde. She refused to see the rules and regulations that is everywhere. Sie hat sich geweigert, die Regeln und Richtlinien zu sehen, die auf dieser, die in dieser, in ihrer Kultur, in ihrem System herrschen. Donc elle a refusé d'accepter ou bien d'agir selon les règles de leur, de sa culture. That is our faith. Das ist unser Glaube. Et c'est comme kind ça. Of faith. Et ça, c'est la foi de l'Éternel. You don't listen to what they listen to. Du hörst dir das nicht an, was sie sich anhören. Donc tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, c'est que eux ils entendent. You remember that of even Jairus. Maybe we go there. Maybe it's almost the same place here. Amen. Amen. Amen. Please go back to Mark 5. Markus 5. On va lire Mark 5. You can see how the kingdom of heaven suffers violence here in Mark 5. Und wie das wie dem Königreich Gottes hier Gewalt angetan worden ist. Donc tu vois comment dans cet exemple tu vois comment la femme avec la perturbation comment elle a elle a pris cette foi avec violence. You never listen to what people are going to say. Aber du hörst nicht auf das, was Leute sagen werden. Tu n'entends plus, tu n'écoutes pas ce que les gens vont te dire. Amen. Mm-hmm. You don't see people or what they will do to you. Du siehst nicht Leute, das, was once it comes to Christ Jesus. Wenn es um Christus Jesus geht. Et quand il s'agit de Jésus-Christ, tu ne crois pas à ce que les gens vont croire, te dire de toi. Dire de toi. Amen. Amen. She was really on it. Sie war wirklich bereit. Elle était prête. She did not care. Ihr war es egal. Donc ça l'intéressait pas en fait. Let's go further a little bit. Wir gehen weiter. Verse 30, because of time. Markus 5, Vers 30. Mark 5, Vers 30. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Verse 31. Mm-hmm. And his disciples said unto him, thou seest the multitude trodding you. A lot of people. It was not only this woman. Mm-hmm. This woman did not come. She was not supposed to be there at all. Mm-hmm. Are you getting it? Viele Menschen und weil da viele Menschen sind, hätte sie da eigentlich nichts zu suchen gehabt. Donc il y avait beaucoup de gens. C'est pour cela, parce qu'il y avait beaucoup de gens, elle avait même pas, elle ne devrait même pas être là avec sa maladie contagieuse. Bon, pas contagieuse, mais. Praise the Lord. Hallelujah. That is our faith. Das ist unser Glaube. Et ça, c'est notre foi. Amen. Amen. That what people say never matter. It's what Christ says. Das, was Leute sagen, nicht, das, was Leute sagen, egal ist. Und das, was Christus Jesus sagt, das zählt. Donc cette foi, tu as vraiment ta foi si ferme que tu ne vois même pas, tu considères même pas ce que les gens vont dire de toi, mais tu vois seulement l'opinion de l'Éternel. Et ça, c'est la seule chose qui t'intéresse. Verse 34, please. 34. And he said unto her, daughter, your faith. Your faith. Dein Glaube. Elle a dit, ma fille, ta foi. Have made thee whole. Your faith heal you. Dein Glaube hat dich geheilt. Ta femme, ta foi, ça t'a sauvé. The faith, you know, her faith moved her to collect what Christ had for her. Ihr Glaube hat sie dazu bewegt, das zu empfangen, was Christus für sie hat. Donc ta foi, donc sa foi, ça l'a aidé, ça l'a influencé à arracher ce que l'Éternel avait déjà pour elle. Amen. Her faith moved her, not move God. Ihr Glaube hat sie bewegt und nicht Gott bewegt. Donc cette foi, ça l'a influencé, ça n'a pas influencé l'Éternel. Amen. You can see this period. This period is different from our period. Ist anders als unsere Zeit. Amen. Amen. This period, her faith was outside. In dieser Zeit war ihr Glaube draußen. Donc ce période ici, leur foi c'était en dehors. This period that we are, our faith is inside. Is somebody getting it? In uns drin. Mais de notre période, notre foi c'est à l'intérieur. Amen. Amen. Amen. Are you, please understand. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. What Christ had for her was outside. Was Christus für sie hatte, war draußen. Donc ce que l'Éternel avait pour eux, c'était außerhalb. Hein? C'était en dehors. Amen. Amen. But what he has for us is already inside of us. We already have all. And that's why we don't pray to have. Deswegen beten we thank him for having. Zu empfangen, sondern wir danken ihm, dass wir schon empfangen haben. Donc, mais c'est que nous, lui, il a pour nous, c'est à l'intérieur, et c'est pour cela qu'on lui remercie qu'on a déjà ça. The period of the Holy Spirit. Die Zeit des Heiligen Geistes. Ça, c'est le période du Saint-Esprit. Ah. The period of the finished work. Die Zeit des vollkommenen Werkes. Donc le période de l'œuvre accomplie. Where he will not will where he now said. This period that he now said that our bodies now is own temple. In der Zeit wo er sagt, dass unser Körper sein Tempel ist. Donc le période où il a dit que notre corps c'est son temple. Christ Jesus is no longer outside, but inside of Christus us. Christus Jesus nicht mehr. Außerhalb von uns, sondern in uns drin. Donc Jésus-Christ n'est plus à notre dans notre extérieur, mais il est dans il est plus en dehors, mais il est dans l'intérieur. Il est en nous. Please, Wednesday's message is also very important, please. Bitte, die Botschaft von Mittwoch ist auch sehr wichtig. Le message de mercredi c'est vraiment aussi très important. Some that I'm going to go through now, we are not on that stuff Sunday. Amen. Einige Sachen, die ich jetzt durchgehe, Galatians 3. Habe ich am Sonntag nicht angesprochen. Galatians 3. Praise the Lord. Amen. The Bible said, "Until faith came, Christ our faith." Christ is our faith. You know, we are different from the people that always say their inside is God. Have you ever heard it? They say God is inside. Leute, in Nigeria, they say it a lot. All these unbelievers are not the church of God. God in we'll go there later. Das ist anders als Leute, die sagen, dass Gott einfach in dir drin ist. Und es gibt einige Leute, die sowas sagen, besonders in Nigeria gibt es Menschen, die sowas glauben. Donc je veux encore souligner qu'on est différent des personnes qui disent que l'Éternel est en toi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui le disent, mais eux, ils le disent pas comme nous. Galates 3. Verse 25. Talks about our faith. Geht es um unseren Glauben? Galates 3, là il s'agit de notre foi. He said, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. We are no longer under law. The laws of Moses, the word of God, the so-called word of God of the Christians. Im sogenannten Wort Gottes der Christen. Galates 3, verset 25, mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Amen. Mm-hmm. And Hebrew 12. Et Hébreux 12. Amen. Mm-hmm. He said, Christ Jesus is the author and the finisher of our faith. Christus, you know Jesus that. Ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Donc Jésus-Christ, il est le commencement et la fin de notre foi. Our faith is on our inside and not on our outside. Unser Glaube ist in unserem Inneren und nicht außerhalb. Donc notre foi c'est notre intérieur et pas l'extérieur. The kingdom of heaven is our faith. Das Königreich des Himmels ist unser Glaube. Le royaume des cieux c'est notre foi. Christianity is not our faith. Das Christentum ist nicht unser Glaube, sondern das Königreich des Himmels ist unser Glaube. Le christianisme n'est pas notre foi, mais c'est le royaume des cieux qui est notre foi. Again, the kingdom of God is our faith, and He is in the inside of us. He's living inside. Das Königreich Gottes ist Let's unser go to Glaube Luke 17. Und er lebt in uns, in unserem Inneren. Le royaume des cieux, c'est notre foi et lui, il vit en nous. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 17, verse 20 Lukas 17 and 21. Luke 17, verse 20 and 21. Und 21. Are we there? Yes. Mm-hmm. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, with feelings, with five senses. Mm-hmm. Are you getting it? Nicht so, dass man es beobachten könnte. Donc le royaume des cieux, ça ne vient pas comme si tu es capable de l'observer. You know, we are so used to the Holy Spirit now that sometimes when we do things, we don't even know that He's the one doing it. Wir sind so gewöhnt an den Heiligen Geist, dass manchmal wir Dinge tun, ist uns gar nicht bewusst, dass es der Heilige Geist ist, der es durch uns tut. Donc, nous sommes quelquefois, nous sommes vraiment si habitués au Saint-Esprit que quelquefois, on n'est pas conscient que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. I notice it a lot. Und das ist mir schon oft aufgefallen. Et moi, je l'ai vraiment remarqué. You just tell you to do something, to go to a place and just check something. And you think it's yourself. It's this the one working all the time. You are so used to him that, you know, you are him, you are actually one. That's the meaning. Du tust etwas und du denkst, dass du es einfach tust. Aber eigentlich ist es er, der es durch dich hindurch tut. Aber du merkst es nicht, weil du so gewöhnt bist an ihn, weil ihr einfach eins seid. Et quelquefois, tu ne remarques même pas que c'est lui qui te parle, mais il te dit de faire quelque chose, tu le fais, mais tu penses que c'est toi qui le fais, mais tu ne vois pas que, tu te rends pas compte que toi et lui, vous êtes un. Sometimes you are looking for something. I've heard of the gospel beat, how you were looking for different places, other places. I'm not even knowing. You know, you are so used to the Holy Ghost that you don't, he just move you. He just says he's the one. You got children, you know, once you submit to him, you never do anything without him. Mm-hmm. He's the doer. Als Kinder Gottes, wenn wir uns ihm hingeben, dann tun wir nichts mehr aus uns selbst heraus. Er ist der Täter, er tut es durch uns hindurch. Genauso wie bei Gospel Beats, wo wir angefangen haben, nach anderen Räumlichkeiten zu suchen. Und dachten, es ist einfach aus unserem eigenen Interesse heraus vielleicht. Aber es ist er, der wirkt, der wandelt. Et quelquefois, par exemple, on se rend pas compte, comme on a des exemples, que lui nous dit de faire quelque chose, on pense que c'est à notre propre intérêt, mais on se rend pas compte, c'est lui qui nous... et qui est en train de nous guider, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 20 again. Verse 20. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Neither shall they say, lo, here, or lo, there. For behold, the kingdom of God is within you. Are you getting it? The kingdom of Christ Jesus is inside of us. It is us. It is you. It is your system. It is your way. It is your... Is somebody getting it? Das Königreich Gottes ist in dir drin. Es ist dein System. Es ist deine Art und Weise. Es ist dein Weg. Donc, le royaume des cieux, c'est ton système, c'est ton chemin. C'est vraiment, oui, c'est en toi. Are you getting it? He said, don't look for the kingdom of heaven in any place at all. It's not in the building, it's not in anywhere. It is the source of Christ Jesus, they are the kingdom of heaven. Suche nicht nach dem Königreich Gottes in irgendeinem Gebäude oder irgendeinem Ort, sondern es sind die Kinder Gottes, die vor dir stehen. Donc, ne cherche pas le royaume des cieux quand tu es en train de dire, oui, un bâtiment ou bien des prêtres. Non, ce sont les enfants de Dieu qui sont devant toi. You know, anywhere you enter is the kingdom of heaven that enter there. Überall, wo wir reingehen, ist das Königreich des Himmels, was dort eintritt. Et partout où est-ce qu'on entre, c'est le royaume des cieux qui est entré là-bas. Don't underrate yourself. Unterschätze dich bitte nicht. You know, sous-estimer, en fait. Even the natural ambassador, anywhere they go, there is a country that is you are seeing. Egal, wo sie I don't know if you understand es it. Ein Land, was what they call the natural, this natural ambassador, is to, you know, they represent their country. Are you getting it? How much more the kingdom of heaven? Sie repräsentieren ihr Land, wie viel mehr das Königreich des Himmels, wenn wir auftreten. Même quand les ambassadeurs, ils sont quelque part, sont en train de représenter leur pays et leur nation, mais à plus forte raison, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, là où on va se retrouver, on est aussi en train de représenter le royaume des cieux. Christ Jesus brought the kingdom of heaven. Christus Jesus hat das Königreich des Himmels gebracht. C'est Jésus-Christ qui a emmené le royaume des cieux. And he did not take it along. He left it. And that's why we are the kingdom today. Deswegen sind wir das Königreich heute. Et quand il est parti, il n'a pas emmené le royaume des cieux avec lui. Il a laissé ça ici avec nous. C'est pour cela que nous sommes les ambassadeurs. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven is in our relationship. Das Christ Jesus and with one another. Ist in unserer Beziehung mit Christus Jesus und in unserer Beziehung miteinander. Donc le royaume des cieux c'est dans notre relation se trouve dans notre relation avec Jésus-Christ et aussi dans notre relation avec l'un et l'autre. He is in our choice, in our decision. Donc il est dans nos choix. What we love, what we hate. What we hear, what we see, what we value. And that's why we are different. People can see that we are different. Once you speak, they can see that you are different. Donc quand on parle, ils peuvent voir que nous sommes différents. Because they can hear the voice of another kingdom speaking. Is somebody getting it? Donc parce qu'ils peuvent, ils sont capables d'écouter ou bien d'entendre que il y a quelqu'un, la voix de d'une autre nation, du royaume des cieux qui est en train de leur parler. We live the life of the kingdom of heaven here on earth. Wir leben das Leben vom Königreich des Himmels hier auf Erden. Donc on vit la vie du royaume des cieux ici sur terre. So many times you don't know it, but people around, people outside, they know it. Mm-hmm. They know that you are different. Aber Leute, wir sehen das anders. Donc quelquefois on ne sait pas, mais les gens autour de nous ils le savent. They know that you are here, but not of here. Ils wissen, dass du hier bist, aber nicht von hier bist. Donc ils savent que nous sommes ici mais pas d'ici. Praise the Lord. Amen. Christ, our faith is in us. Christus, unser Glaube ist in uns. Donc le Christ comme notre foi il est en nous. Amen. Christ, our faith in us, is not what man and religion call the good things in you. Christus, unser Glaube in uns, ist nicht das, was Religion das gute Menschen nennt. Donc Jésus-Christ, notre foi, n'est pas la chose que la personne que la religion appelle donc bonne personne. You know, when you do something good, the Muslims especially have heard them. They said, "Good heart, God heart, good heart." That's not what we are talking about here. We are talking about a person inside you. Christ Jesus, the Holy Ghost inside you. Not good heart. What man and religion call good heart is Satan. And not Christ. Und wir hören das manchmal, wenn du etwas, wenn Menschen eine gute Tat vollbringen, dass dann beispielsweise religiöse Leute wie Muslimen dann sagen, du hast ein gutes Herz oder du hast ein gottgefälliges Herz. Aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass jemand in dir lebt und dass jemand Jesus Christus ist. Donc, quelquefois, on voit que quand on fait quelque chose de bien, selon ce monde, la religion dit que oh, tu as un bon cœur, mais il ne s'agit pas de ça. Être bon, ça signifie c'est quand l'Éternel vit en toi. Amen. They always mean, their good hearts always mean what you do. And not what Christ did. I don't know if somebody's getting it. Donc ce monde, ce qu'eux ils titulèrent comme bonne chose, bonne œuvre, c'est toujours basé sur ce que eux ils font. Donc c'est que une personne est en train de faire, mais c'est pas basé sur ce que l'Éternel a fait pour toi. It is always about what this evil world called good. The good heart that they talk about. You have good heart. That is not Christ. Donc, when I don't have good heart, I have Christ's heart. Amen. I have Christ. Amen. I am Christ. That's all. Amen. Ich habe kein gutes Herz und ich habe einfach nur Christus. Ich bin Christus und das ist alles. Donc on doit les rappeler que on n'a pas un bon cœur, on a le cœur du Christ. C'est ça la seule chose qui est bien en moi. Jesus said, "No one is good but God." Jesus sagt, niemand ist gut, nur Gott. Donc Jésus il a dit qu'il y a personne qui est bon sauf Jésus, sauf Dieu. But religion says there are some people that are good without Christ Jesus. Es gibt einige Leute, die sind nicht ganz schlecht ohne Jesus Christus. Mais la religion nous fait voir qu'il y a aussi, eux ils pensent qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont bien même sans Jésus Christ, sans Dieu. Ils ont un bon cœur. Praise the Lord. We have Christ. Wir haben Christus. Nous, on a le Christ. Amen. Amen. We have Christ in us. Wir haben Christus in uns. On a le Christ en nous. Amen. In our heart we have him. And not what man, our religion call good. Good heart. Was der Mensch oder Religion gutes Herz nennt. Donc, on a le Christ en nous. On n'a pas ce que l'être humain ou de la religion appelle bien. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Vers 16. 1 Korinther 2, Vers 16. 1 Korinther 2, Vers 16. Und das